إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 23 dans l'explication du livre Al-Fitna wa Mawqiful Muslim Minha du docteur Al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Aqil. Naam, donc on est au cours, comme je disais, le cours numéro 23 et on est toujours dans la partie numéro 2 du deuxième, de la deuxième section du livre qui mentionne différentes positions de nos salafs salih vis-à-vis de certaines fitanes qui sont arrivées à leur époque. Et on a commencé au dernier cours à parler de, d'un des grands ulama de la Umma, le Mujaddid, le grand imam, le Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Donc on a lu une partie de qu'est-ce qui s'est passé à son époque et de sa biographie. Et donc on continue maintenant à expliquer certains des points qui ont rapport avec la vie du Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ainsi que son manhaj et yani de sa da'wa. C'était quoi les principes de sa da'wa? Donc le Sheikh il explique parce qu'on sait que surtout à propos de l'imam et du Sheikh à propos du Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il y a beaucoup de mensonges qui sont diffusés, qui sont propagés de la part des soufiyines, de la part des Asha'ira, de la part des Ahbash, de la part des Kuffar aussi, qui essaient de salir l'image du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et de lui attribuer des choses yani, qu'il n'a jamais dites ou qu'il n'a jamais faites. Hein, comme il l'accuse d'être, de faire le takfir des musulmans, il l'accuse yani, de faire partie des Khawarij. Pourquoi ? Parce qu'il déclare que ceux qui adorent les morts et qui adorent les tombes sont des kuffars et des mushrikines. Donc pour eux, étant donné que ce sont des gens qui ont accepté comme religion l'adoration des morts et des tombes et des saints et de les prendre comme des idoles en dehors d'Allah, alors pour eux, yani, c'est ça l'islam. Donc si quelqu'un dit au sujet de ceux qui font ça que ce sont des mushrikines et des kuffars, alors ils disent: ah, il a déclaré les musulmans kuffars. Il a déclaré les musulmans mushrikines, donc ce sont des khawarij. Alors que la réalité c'est le contraire, puisque de déclarer ceux qui font le shirk, qui adorent les morts, comme étant des mushrikines, ça c'est la religion de l'islam. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Hein, et c'était ça la base même de sa da'wa, d'interdire à toute personne d'adorer quoi que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'offrir à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration. Donc ça c'est le tawhid et c'est la base de l'islam. Et donc étant donné que ces gens-là ont dévié dans le tawhid, hein, eh bien, ils ne comprennent pas justement que le fait de, d'adorer des tombes et des morts, c'est quelque chose qui annule le tawhid de quelqu'un et qui le fait tomber dans le shirk majeur, hein, et qui le fait sortir de l'islam. Et donc ça, ça n'a rien à voir avec la foi des khawarij, puisque les khawarij, lorsqu'ils font le takfir des musulmans, ils ne font pas le takfir des musulmans pour quelque chose qui a rapport avec le shirk akbar ou le kufr akbar, mais ils font le takfir des musulmans pour des péchés, pour des kaba'ir, pour des choses qui sont des péchés, des grands péchés, mais qui ne font pas sortir de l'islam. Et donc il faut distinguer entre les deux, puisque celui qui ne distingue pas entre ces deux choses, eh bien, il tombe dans des graves erreurs et il accuse des gens sans preuve, hein, de choses de ce genre. Et aussi, on sait également qu'à cette époque-ci, depuis le 11 septembre, beaucoup de koufars et beaucoup de munafiqines et des gens de bid'a ont accusé le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab d'être à l'origine de qu'est-ce qui est arrivé comme terrorisme ou des choses de ce genre et des attentats. Toutefois, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab est innocent de ce genre d'action, de ce genre de choses. Puisque si on retourne aux écrits du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, hein, et ses livres, on ne retrouve nulle part, hein, ce genre de choses, ce genre d'enseignement. Hein, bien au contraire. Et on va le voir parce que le Cheikh, il en mentionne, il parle à ce sujet-là. Donc si on retourne aux écrits du Cheikh, Al-Usul al-Thalatha, Al-Qawa'id al-Arba'a, Al-Usul al-Sitta, Kashf al-Shubuhat, Fadl al-Islam, Kitab al-Tawhid, hein, si on retourne à ces livres-là et à bien d'autres livres également qu'il a écrits, comme Kitab al-Kaba'ir et Kitab al-Iman et d'autres, on retourne à ces livres-là ou bien aux livres dans lesquels il clarifie sa aqida et sa position et ainsi de suite. Si on retourne à ces livres, eh bien, on remarque et on constate qu'il n'a jamais appelé à ce genre de choses. Il n'a jamais appelé les musulmans à tomber dans ce genre d'actions et de gestes qui sont contraires à l'islam, bien au contraire. Hein? Donc, l'accuser de ce genre de choses, là, c'est une injustice. Et aussi, bien entendu, certains koufars ou certains parmi les gens de bid'a vont le critiquer du fait qu'il a appelé à l'application des aspects de la charia que beaucoup d'autres musulmans avaient négligé à l'époque et l'application de l'islam. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui en Arabie Saoudite, c'est étant donné que le pays est basé justement sur la da'wa salafiyya et la da'wa de revivification, hein, et de réforme du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui a ramené les gens à la salafiyya et à la sunna et au tawhid. Donc étant donné que le pays est basé sur cette da'wa et sur cette base, eh bien aujourd'hui il y a l'application de la charia là-bas et l'application des principes des règles de l'islam, hein, dans tous les aspects de la société et de la vie. Donc les koufars essaient de dire au sujet de ce pays que c'est un pays qui applique un islam wahhabite, hein, et ils essaient de faire croire que c'est quelque chose qui est extrémiste ou qui est contraire, hein, à ce que la majorité des musulmans ou bien à ce que la majorité des savants de l'islam ont connu. Bien entendu, ça c'est tout à fait faux et c'est le contraire qui est la vérité, hein, puisque alhamdoulilah, les enseignements qui sont appliqués en Arabie Saoudite au sujet de la charia et de l'islam, c'est ce qu'on retrouve dans les livres de fiqh de tous les madahib de l'islam. Et quand on retourne aux livres de hadith de nos salafs et aux livres de fiqh écrits par les grands imams de l'islam, que ce soit dans le madhab de Abu Hanifa ou de Malik ou de Shafi'i ou de Ahmad, eh bien c'est ce qu'on retrouve dans ces livres là ou bien d'autres parmi les gens de bid'a qui l'accusent d'anthropomorphisme, ou bien d'essayer de faire ressembler Allah à sa créature parce qu'on affirme les attributs qui sont mentionnés dans le Coran, hein, et qu'on les affirme tels qu'il les a mentionnés et tels qu'ils sont mentionnés dans la sunna, tels qu'elles sont mentionnées dans la sunna, hein. Donc ça n'a rien à voir avec l'anthropomorphisme, hein, ça n'a rien à voir avec l'anthropomorphisme, puisqu'on ne fait pas ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création. On ne fait qu'affirmer ses attributs tels qu'elles sont affirmées dans la révélation. Hein, et on dit que rien ne lui ressemble et qu'il est l'audient et le voyant. Hein, et qu'il n'y a pas, il y a pas de ressemblance entre Allah et sa création. Sauf qu'on affirme ce qu'il a affirmé et on nie ce qu'il a nié. Hein, qu'il a une main, qu'il a des yeux, qu'il est au-dessus de son trône, hein, et qu'il a un visage, et ainsi de suite. Pourquoi on l'affirme? Parce que Allah l'a affirmé. Pourquoi on l'affirme? Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a affirmé. Et si on nous accuse de tashbih à cause de ça, alors c'est, hein, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils accusent en réalité, et c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils accusent en réalité de tashbih. Puisque ces affirmations-là viennent de la révélation dans le Coran et dans la Sunna. Hein? Donc ça c'est bien entendu des accusations de la part des Jahmiya, des Mu'tazila, des Asha'ira, des Maturidiya, et ainsi de suite. Et également le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a combattu, hein, toutes les différentes sectes et les différentes formes de bid'ah, comme les savants qui l'ont précédé, parmi les imams des salafs comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, l'imam ibn al-Qayyim et les quatre imams des quatre madahib qui faisaient partie des imams des salafs aussi, l'imam Ahmad, Abu Hanifa, al-Shafi'i et l'imam Malik, et ainsi que les autres grands imams de l'islam, l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Abu Daoud, hein, l'imam al-Nasa'i, ibn Majah, Tirmidhi, hein, tous ces grands imams du hadith parmi les imams des salafs, et de même que les autres grands imams aussi, comme l'imam Ali ibn al-Madini, et l'imam Sufyan ibn Uyayna, Sufyan al-Thawri, al-Awza'i, Abdullah ibn al-Mubarak, Ayyub al-Sakhtiani, et bien d'autres parmi les imams des salafs qui ont tous affirmé ces aspects de la religion de l'islam. Et la aqidah des salaf al-salih. Donc c'est des choses qu'on doit affirmer nous aussi également si on veut être sur la bonne voie, et c'est la voie, hein, du cheikh. Et on a fait un cours sur ça justement dans les cours qu'on a fait, comme par exemple le cours qu'on a fait sur la aqidah de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, hein. Et donc les cours sont bien entendu disponibles sur le site et on peut les retrouver, hein, dans le site Salafi de Montréal, dans la section de la Aqidah des imams, des salafs. Donc, ayant dit tout ça, on va commencer tout de suite avec la lecture des paroles du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Aqid. Le Cheikh, il dit: وَقَدْ بَيَّنَ الْإِمَامُ مُحَمَّدِ ibn Abdul Wahhab رحمه الله منهجه الذي سار عليه في دعوته فقال في بعض رسائله اعلم أني عرفت بأربع مسائل. الأولى بيان التوحيد مع أنه لم يتطرق أو لم يطرق آذان أكثر الناس لم يطرق آذان أكثر الناس. الثانية بيان الشرك ولو كان في كلام من ينتسب إلى العلم. الثالثة تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه. الرابعة الأمر بقتال هؤلاء خاصة أي المبغضين للتوحيد المنفرين عنه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique ce qui suit, hein? Le Cheikh, il dit que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a clarifié son manhaj. Il a clarifié le manhaj sur lequel il a marché ou il a avancé dans sa da'wah. Et il dit dans certains de ses lettres qu'il a écrites, il dit: sache que j'ai été connu pour quatre choses. La première, la clarification du tawhid. Donc la première chose pour laquelle j'ai été connu, et les choses par lesquelles on me reconnaît, c'est premièrement parce que j'ai clarifié la signification du tawhid, hein, parce que c'est quelque chose, hein, que la plupart des gens n'avaient jamais entendu. C'est-à-dire qu'à l'époque où il est venu, il a clarifié, des aspects du tawhid que les gens avaient négligés ou oubliés, comme le fait que, par exemple, l'adoration doit être uniquement pour Allah seul, puisque les gens à son époque avaient adopté comme religion l'adoration des tombes et des morts et des saints, et les pèlerinages aux morts et les sacrifices pour les morts et les tombes et les saints, hein, et de croire que les saints peuvent rapprocher d'Allah, rapprocher les hommes à Allah en leur offrant des offrandes, en faisant les tawafs autour de leur tombe, et ainsi de suite. Ou en les invoquant en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en leur demandant l'intercession ou des choses de ce genre. Ensuite, deuxièmement, et ça c'est relié avec le premier point, la clarification du shirk. Hein? Même si c'était dans les paroles des gens qui se prétendent avoir la science ou s'apparentent à la science. Parce que beaucoup de gens à l'époque mentionnent le terme shirk, hein, et ils s'apparentent à la science, ils prétendent être des ulama ou faire partie des gens qui ont de la science, et pourtant ils ne connaissent pas la signification réelle du shirk. Hein, beaucoup d'entre eux, comme le cheikh il l'explique lui-même dans plusieurs de ses livres, beaucoup d'entre eux pensent que le shirk c'est uniquement de croire que quelqu'un peut créer avec Allah, ou qu'il y a un autre maître ou seigneur avec Allah, et que même si tu prends des intermédiaires entre toi et Allah dans l'adoration, que ça c'est pas du shirk, puisque tu n'as pas affirmé qu'il y a un autre créateur avec Allah. Donc du moment que tu n'affirmes pas un autre créateur avec Allah, tu ne commets pas le shirk, même si tu adores d'autres avec Allah. Hein? Donc ça c'était leur notion erronée du shirk. Et le shirk, il a ramené la clarification que le shirk, hein, c'est dans l'adoration. Hein, le shirk que les prophètes ont combattu à leur époque, c'est le shirk dans l'adoration. Tandis que le shirk al-Rububiyya, dans la souveraineté, ou dans la création, ou des choses de ce genre, il existe, mais il est beaucoup plus rare que le shirk dans l'adoration. Et la plupart des mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sinon presque tous, ils affirmaient l'existence d'un créateur, d'un dieu, d'un maître tout-puissant, qui donne la subsistance, qui fait vivre et qui fait mourir, et ainsi de suite. Et c'était pas ça le conflit qu'il y avait entre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et son peuple, le conflit qui existait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple, de même que tous les autres messagers, c'était toujours sur la question de al-uluhiyya, c'est-à-dire le shirk que les gens faisaient dans l'adoration, qu'ils adoraient d'autres que Allah, qu'ils offraient à autres que Allah des formes d'adoration, et qu'ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah dans l'adoration, et ainsi de suite. Le point numéro 3, التكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه. Donc il dit, la troisième chose pour laquelle il a été connu, comme j'ai mentionné au tout début, c'est le fait de déclarer kuffar celui à qui le tawhid a été clarifié, hein, et qu'il a compris que c'est la religion d'Allah et de son messager, puis qu'il l'a détesté par la suite et qui a fait fuir les gens de cette compréhension et du tawhid. Hein? Donc ça c'est une des choses par laquelle il a été connu, et c'est ça ce que les gens de Bid'a essaient de lui coller en disant qu'il fait le takfir, hein, en disant qu'il fait le takfir et qu'il fait partie des khawarij. Hein? Parce qu'ils essaient de tromper les gens en disant qu'il faisait le takfir des musulmans. Or, comme le cheikh il le mentionne ici, il ne fait pas le takfir des musulmans. Il fait le takfir des gens à qui on a expliqué le tawhid, et qu'on leur a expliqué que c'est que le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration, et qu'on doit adorer que Allah seul, et qu'on doit délaisser et rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, hein, et que c'est ça la religion d'Allah et de son messager, puis qu'après qu'on lui a expliqué ça, et qu'il l'ait compris, hein, on lui a expliqué cette chose-là, Il a détesté cette compréhension, il a détesté le tawhid, et il a commencé à vouloir faire fuir les gens du tawhid. Donc celui-là, voilà ceux que le cheikh a déclaré kuffar, parce que ce ne sont pas des musulmans. Si quelqu'un a une haine pour le tawhid, et il déteste le tawhid, quand tu lui dis arrête d'adorer les idoles, arrête d'adorer les morts, arrête d'adorer les saints, il se met en colère et il se fâche, hein, et il déteste ce que tu lui dis, et il dit aux gens, ne l'écoutez pas, hein, et il dit aux gens, ces gens-là, ils n'aiment pas les hommes pieux, et ils essaient de faire fuir les gens de l'appel du tawhid à cause de ça. Celui qui réagit de cette façon-là, c'est pas un musulman. Donc c'est cela que le cheikh a combattu, hein, et c'est contre eux que les gens, que c'est eux que le cheikh a déclaré kuffar. Donc le quatrième point, le cheikh il dit justement al-amru bi qitali ha'ula'i khassatan, c'est-à-dire l'ordre de combattre ceux-là en particulier, c'est-à-dire ceux qui détestent le tawhid. Combattre ceux qui détestent le tawhid et qui veulent faire fuir les gens d'écouter ou d'entendre ou d'apprendre le tawhid. Et de les combattre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk, hein, de fitna. Et les ulama ont expliqué que dans ce verset, dans le verset dans le Coran, lorsqu'Allah dit Hatta la takuna fitna, de combattre-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna, ça signifie combattre-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk et que la religion tout entière soit à Allah seul. Donc ça c'est les quatre choses pour lesquelles l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab a été connu. Hein? Le chef il dit comme par la suite, ça c'est tiré des différents écrits du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc ensuite il dit فهذه الأصول العظيمة هي التي قامت عليها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهي توضيح موقفه من الفتن العظام في زمانه حيث عالج هذه الفتن بما يطلبها. Donc le cheikh il explique que voici les grands fondements, hein, sur lesquels la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a été établie, c'est-à-dire, hein, la clarification de sa position vis-à-vis de ces grandes épreuves et de ces grandes tribulations à son époque, hein, du fait qu'il a géré et il a remédié à ces différentes tribulations et ces différentes épreuves et fitan, hein, bima yubtiluha, aynam, pas bima yubtiluha, c'est-à-dire il a remédié à ces différentes épreuves et ces différentes fitan par ce qui va les détruire et les annuler. C'est-à-dire par le ilm et par la diffusion de la science et de l'enseignement, et par également, hein, la da'wa, et également même par l'épée, lorsque c'était possible. Ensuite, le cheikh il a expliqué, il a dit فعالج الشرك وأسبابه بتعليم الناس التوحيد الخالص لله عز وجل في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته وحذر من أسباب الشرك ووسائله المؤدية إليه من الاعتقادات والأقوال والأعمال ثم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر على حسب طاقته وقد أعانه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إمام بلدته الإمام محمد بن سعود رحمه الله وله حق أن يغير المنكر في بلده بيده لأنه سلطان فلما أنكر أعداء التوحيد عليه ذلك وعزموا على قتاله وحربه حمل راية الجهاد في سبيل الدفاع عن هذه العقيدة وأهلها ونشر التوحيد ونصرهم الله وأيدهم ولله الحمد والمنة. Donc le cheikh il explique, il dit donc que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab il a remédié au shirk et aux causes du shirk en enseignant aux gens le tawhid pur d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa souveraineté, dans ses noms et ses attributs, et dans son adoration. Puis il a mis en garde contre les causes du shirk et les moyens qui amènent au shirk, parmi les différentes croyances, dans les paroles et dans les actions. Puis il a ordonné le bien et a interdit le mal selon sa capacité. Et il a été aidé dans l'ordonnance du bien et dans l'interdiction du mal par l'imam de sa région, l'imam de sa ville et de son pays, l'imam Muhammad ibn Saoud, rahimahullah. Et il a un droit de changer le mal dans son pays par la force et par la main, parce que c'est c'est lui qui était le dirigeant de cette région. Et lorsque les gens qui sont les ennemis du Tawhid ont voulu critiquer et condamner ce qu'il faisait, c'est-à-dire ont voulu critiquer et condamner sa da'wa au Tawhid et son ordonnance du bien et son interdiction du mal, ils se sont empressés d'essayer de le combattre et de lui déclarer la guerre. Alors le cheikh, il a pris la bannière du djihad dans le sentier de la défense de cette aqida et de la défense des gens qui supportent cette aqida, et il a propagé et diffusé le tawhid, et il a supporté et défendu la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala les a supportés et les a défendus par la grâce d'Allah par la suite à cause de ça. وفي قوله رحمه الله إنه لا يكفر إلا من بان له التوحيد ثم أبغضه دليل على حرصه رحمه الله على دماء المسلمين وأنه لا يقاتل ولا يكفر إلا من عاد التوحيد وأبغضه بعد العلم به وفي ذلك أبلغ الرد على من زعم أن الشيخ رحمه الله يكفر عموم المسلمين ويستبيح دماءهم. Donc, le cheikh, il dit, et dans la parole du cheikh, rahimahullah, lorsqu'il dit qu'il ne déclare kafir, excepté celui à qui on a clarifié le tawhid, puis qu'il l'a détesté, qu'il l'a haï. Et ça, c'est la preuve, à quel point le cheikh, il a eu un désir ardent pour préserver le sang des musulmans, et qu'il ne combattait, et ne déclarait kafir que celui qui opposait le tawhid et qui détestait le tawhid après l'avoir connu. Et il y a dans ça, bien entendu, la réponse et la réfutation la plus évidente et la plus claire au sujet de la personne qui prétend que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah faisait le takfir des musulmans de façon générale et rendait leur sang licite. Il y a la réponse à ce sujet-là, comme on l'a mentionné au tout début. ولإيضاح أن الله سبحانه وتعالى قد بين للأمة ما يصلحها في معاشها ومعادها بيانا شافيا. يقول الشيخ رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظنون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Donc qu'est-ce que le cheikh maintenant il mentionne ici, c'est que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a clarifié pour la Ummah ce qui venait réformer sa vie et sa vie ici-bas, et ce qui allait réformer également sa religion également, c'est-à-dire qu'est-ce qui allait être quelque chose qui allait les amener au bien lors de la résurrection. Et il a clarifié ça d'une manière qui était suffisante et claire rahimahullah. Et c'est ici que le cheikh Mohammed Al-Aqil commence à énumérer les points qui sont mentionnés par le cheikh dans son dans sa risala qui s'intitule Al-Usul Sitta. Al-Usul Sitta, c'est-à-dire les six fondements. Donc le cheikh il ne fait que les énumérer une après l'autre sans bien entendu rentrer dans des explications détaillées, puisque le but c'est seulement de donner les grandes lignes et les points les plus importants à ce sujet-là. Donc on va lire ensemble Al-Usul Sitta, et voici l'introduction donc de cette parole du Cheikh Mohammed, de cette risala du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ici. Il dit: et parmi les choses les plus étonnantes et les signes les plus grands qui prouvent la grande puissance du roi, du maître, qui est celui qui a le dessus sur tout, il y a les six fondements que Allah a clarifiés d'une clarification évidente à toute personne même les communs d'entre les gens, le commun d'entre les gens, d'une manière qui dépasse l'imagination de ce que quelqu'un peut essayer d'imaginer. C'est-à-dire, il a tellement été clarifié bien pour les gens, même pour les gens les plus simples parmi les gens, le commun des individus, il a été tellement clarifié qu'on ne peut même pas imaginer à quel point il est bien clarifié. Ces points-là sont bien clarifiés dans la religion, ces 6 fondements-là. Il dit, et par la suite, après que ces 6 fondements-là aient été clarifiés dans la religion, par Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup de gens, parmi les gens intelligents de ce monde, qui sont tombés dans l'erreur au sujet de ces points-là. Parmi les intelligents et parmi les gens raisonnables des fils d'Adam, excepté un petit nombre d'entre eux. Donc là, c'est le cheikh qui essaie de nous faire comprendre que ce sont des points qui sont simples à comprendre et qui sont des choses qui sont clairement clarifiées dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que les gens les plus ordinaires et les plus simples sont capables de les comprendre, et que malgré tout ça, on voit qu'aujourd'hui les gens intelligents et les gens raisonnables de ce monde, parmi les fils d'Adam, sont pas capables de les comprendre aujourd'hui. Ils sont tombés dans des erreurs dans ces problèmes-là, excepté un petit nombre. Quels sont ces 6 fondements? Le premier, le cheikh il dit, alors c'est le awwal, ikhlas ad-din lillah. Ikhlas ad-din lillah ta'ala wahdahu la sharika lah. Wa bayanu diddihi alladhi huwa ash-shirku billah. Wa kawnu akthar al-Qur'an fi bayani hadha al-asl min wujuhin shatta بكلام يفهمه أبلد العامة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين وتقصير والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. الشيخ يلكسبليك إلدي فمي بوين الأصل الأول. Le premier fondement, c'est al-ikhlas, c'est-à-dire la pureté et la sincérité de la religion d'Allah. Al-ikhlas, c'est le fait de purifier notre religion pour Allah seul et pour lui seul, sans aucun partenaire et aucun associé. Donc, en d'autres mots, c'est le tawhid. Le premier fondement, c'est le tawhid, c'est al-ikhlas. C'est-à-dire de purifier notre adoration et notre religion pour qu'elle soit pour Allah seul, sans partenaire. Et la clarification de ce qui s'y oppose, c'est-à-dire le shirk qu'on fait avec Allah, c'est-à-dire d'offrir à autre qu'à Allah une forme quelconque d'adoration. Et ensuite il dit « وَكُمْ أَكْثَرُ الْقُرْآنِ فِي بَيَانِ هَذَا الْأَصْلِ » C'est-à-dire que la plus grande partie du Coran, elle clarifie ce fondement de plusieurs points de vue, avec des termes et des mots que les personnes les plus bêtes parmi les gens peuvent comprendre, puisque ce sont des explications qui sont claires et simples. Puis, par la suite, on sait qu'est-ce qui est arrivé par la suite, qu'est-ce qui est arrivé à la plupart de la Oumma par la suite, le shaitan est venu pour essayer de leur montrer que le tawhid, l'ikhlas, c'est un manque de respect envers les hommes pieux. Et de manquer envers leurs droits, d'avoir des manquements envers leurs droits. Et ils ont essayé, le shaitan est venu et a essayé de leur faire montrer que le shirk avec Allah, c'est comme si, de lui donner l'apparence de l'amour des hommes pieux et de suivre les hommes pieux. Et ça, c'est la shubha des gens de shirk aujourd'hui, parmi les gens qui se disent musulmans et qui adorent les morts et les tombes. Ils disent quoi? Ils disent que le tawhid, c'est un manque de respect envers les hommes pieux. Pourquoi? Parce que tu vas les voir, ces gens-là qui adorent les tombes et les morts et les saints, et tu leur dis, vous n'avez pas le droit de construire sur les tombes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça. Et vous n'avez pas le droit d'aller faire des adorations dans ces endroits-là. Et vous n'avez pas le droit de les invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de les prendre comme des intermédiaires et des intercesseurs entre vous et Allah. Parce que ça, c'est du shirk. Et lorsque tu leur dis ça, ils répondent quoi? Hein? Ils répondent ce que le shaitan leur a embelli et leur a fait paraître. Ils disent, ah, ça c'est le manque de respect envers les hommes pieux. Vous n'avez pas reconnu le droit des hommes pieux et le respect des hommes pieux et le statut des saints qu'ils ont. Hein? Vous essayez de les diminuer, vous voulez leur manquer du respect, et ainsi de suite. Et il leur a fait paraître le shirk comme si c'était un signe d'amour pour les hommes pieux. Donc ils leur disent, mais nous, hein, on ne fait pas de shirk, on aime les hommes pieux, on respecte les hommes pieux, on vénère les saints, hein, on vénère les hommes pieux et les saints, et on a du respect pour eux, ça c'est pas du shirk. Donc c'est ainsi que le shaitan les a trompés. C'est ainsi que le shaitan a réussi à les égarer. Le deuxième fondement maintenant, al-aslu thani, amara Allah bil ijtima' fi ad-din wa naha 'an at-tafarruq fihi. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام ونهاهم ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون يعني بزعمهم. Donc le cheikh explique comme deuxième point, le deuxième fondement dans la religion, c'est que Allah a ordonné Allah a ordonné l'union dans la religion, le fait de rester unis, et nous a interdit de nous diviser dans la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié ça d'une clarification qui est suffisante et qui remédie à tous les problèmes qui sont reliés à ce problème, à cette question, d'une façon que même le commun d'entre les gens est capable de le comprendre, puisque c'est clarifié d'une façon simple et claire. Puis, il a interdit également aux gens d'être comme ceux qui sont venus avant eux et qui ont péri, et qui se sont divisés et qui ont divergé dans la religion. Puis, il a mentionné qu'il a ordonné aux musulmans de rester unis dans la religion et leur a interdit de se diviser. Ça fait allusion au verset 103 dans Surat Al-Imran. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, et la suite de ces versets-là qui mentionnent l'ordre de s'unir et l'interdiction de se diviser, et ainsi de suite. Et il y a plein d'autres versets dans ce sens-là dans le Coran. Et le cheikh, il dit que qu'est-ce qui vient augmenter encore plus la clarification à ce sujet-là, c'est ce qui a été rapporté dans la Sunna, des choses étonnantes à ce sujet. C'est-à-dire, dans la Sunna, il y a plein de hadiths qui ordonnent les musulmans de rester unis et qui incitent les musulmans à être avec la jama'a et de ne pas sortir contre la jama'a et ainsi de suite, et de ne pas se diviser. Ça, c'est rempli dans la Sunna. Hein? Puis, le cheikh dit, puis ensuite, est arrivé dans la Umma cette affaire, hein? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est arrivé, cette affaire dans la Umma, c'est-à-dire la division est arrivée dans les fondements de la religion et dans les branches également de la science et du fiqh, de la compréhension et du fiqh de la religion. Donc les musulmans se sont divisés dans les fondements, dans la aqida, dans les différents aspects, parce qu'ils ont quitté la voie des salaf al-salih. Et des gens de bid'a sont arrivés, ils ont ramené des innovations dans la croyance et dans les pratiques. Donc les gens se sont divisés à cause de ces innovations-là dans les fondements de la religion et dans les différentes pratiques, dans les différentes branches de la religion, de l'application de l'islam. Et l'ordre de se réunir dans la religion s'est rendu à un point tel que il n'y a personne qui invite à ça ou qui appelle à ça, excepté un hérétique selon eux, ou un fou. Donc pour eux, pour ces gens-là maintenant, parmi les gens de Bid'a aujourd'hui, si tu appelles les musulmans à s'unir dans la religion et dans les fondements de l'islam, ils te considèrent comme un hérétique ou comme un fou. Hein? Et maintenant, on l'entend même de la part des jeunes Bid'a, parmi les Hizbin et les Ikhwan et autres. C'est ce qu'ils font. Ils disent, non, l'islam appelle au pluralisme. L'islam accepte le pluralisme. L'islam accepte le multipartisme, la multiplicité. L'islam appelle à la diversité. L'islam accepte la liberté d'opinion et de croyance, et la liberté de croyance, et ainsi de suite. Tout ce qui est, ils disent, il y en a absolument, directement et clairement, tout le contraire de ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna. Le Coran et la Sunna interdisent, hein, le pluralisme, le multipartisme, la division, hein, la divergence, hein, le sectarisme et les différentes sectes. Tout ça, c'est interdit dans le Coran. Et c'est clair. On n'a pas le droit de se diviser, ni dans les croyances, ni dans les pratiques. Hein? Et ainsi de suite. Malgré tout, non. Eux, c'est la liberté, l'ouverture, le multipartisme, le pluralisme, et ainsi de suite. Donc, c'est un exemple de ce que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab est en train d'expliquer dans ce deuxième fondement. Le troisième fondement, al-Asl al-Thalith, أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شافيا كافيا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به فكيف العمل به donc le cheikh il dit comme point numéro 3 que parmi les choses qui viennent compléter le fait de rester unis, hein, il y a le fait d'écouter et d'obéir à celui qui est le responsable sur nous. Même si c'est un esclave éthiopien, hein, peu importe son apparence physique ou peu importe qui il est, de quelle origine il est, on doit l'écouter et l'obéir dans le bien. Ça, c'est le contraire de ce qu'on voit aujourd'hui. Des Khawarij et des gens de Hezbiya qui appellent à la révolte et aux rébellions et aux manifestations et aux coups d'État et ainsi de suite. Tout ça, c'est l'opposition de ce fondement-là. Et ça, c'est clarifié, comme le Cheikh il dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié ce fondement d'une façon très très claire et suffisante. Hein? Il a dit, dans plusieurs hadiths, comme un hadith sahih rapporté par l'imam Muslim, que tu dois écouter et obéir aux dirigeants, même s'ils frappent ton dos, et même s'ils prennent tes biens. Et dernièrement, il y a, comme Salman al-Aouda et Mohamed al-Uraifi, qui ont fait une déformation de la signification de ce hadith-là, en essayant de dire, par exemple, que ce hadith-là concerne seulement lorsque une personne, un dirigeant a eu un problème avec un individu en particulier. Dans ce cas-là, s'il prend ton bien et il te frappe ton dos, là tu vas l'écouter et obéir. Mais si le dirigeant fait une injustice ou fait des injustices à la population de façon générale et ainsi de suite, dans ce cas-là, non. Hein, les gens peuvent n'ont pas à écouter et à obéir ou ainsi de suite, comme si pour essayer de justifier les révoltes et les manifestations qui sont arrivées dans les pays arabes à cause de ça. Et les ulama ont réfuté cette parole de la part de cet individu et ont clarifié que ce sont des paroles de gens qui sont ignorants et qui font partie des gens de la passion, hein, et qui ont déformé la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur donner un sens autre que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire. Et parmi les ulama qui ont réfuté cette parole, il y a par exemple le cheikh al-mufti Abdelaziz al-Sheikh, le mufti de l'Arabie Saoudite actuel. Il y a le Sheikh Saleh al-Fawzan, hafizahullah wa hafizah al-jami'. Et il y a également, dernièrement, le Sheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, qui a également mentionné ça et qui a réfuté cette parole et qui a clarifié à ce sujet aussi. Donc, alhamdoulilah, yani, des gens comme ça qui parlent de leur propre tête, qui veulent interpréter les paroles des ulama ou les paroles même du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon leur passion, sans aucun précédent, sans aucun salaf, et ça, il n'y a pas de doute que c'est de l'égarement. Hein? Donc, le cheikh, il explique ensuite, il dit فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شافيا كافيا بكل وجه من انواع البيان. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a expliqué ça d'une façon qui est suffisante et qui est qui vient remédier à tous ces différents problèmes là avec tout ce qui est dans toutes ces différentes formes et toutes ces différentes clarifications, les différentes sortes de clarifications, que ce soit par la charia ou par les choses qui sont reliées à, aux choses dans la création. Donc, ensuite, qu'est-ce qui est arrivé dans la Ummah, c'est que ce fondement-là, même les gens qui prétendent la science, ils ne le connaissent pas. Il est devenu inconnu de la plupart des gens, même certains d'entre ceux qui prétendent la science. Donc, s'il n'est pas connu, le cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab, il dit, si la plupart des gens ne le connaissent pas, même ceux qui prétendent la science, alors que dire de son application dans ce cas-là, hein? Donc ça, c'est pour montrer que les gens ignorent ce fondement-là. Allah al-musta'an. Le point numéro 4, الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل نعم البقرة ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعمي البليد ثم صار هذا أغرب الأشياء وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون بزعمهم وصار من أنكره وعداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. Donc le cheikh il dit le point numéro 4, c'est la clarification de la science. Qu'est-ce que c'est? Et les ulama, qui ils sont? Et le fiqh, la compréhension, qu'est-ce que c'est? Et qui sont les fuqaha, qui sont les gens qui ont la connaissance et la compréhension? Et la clarification également de ceux qui essaient de leur ressembler, mais qui ne fait pas partie d'eux. Qui essaient de ressembler aux hommes de science, mais qui ne fait pas partie des hommes de science. Et Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié ce fondement-là au début de la sourate Al-Baqarah, lorsqu'il dit « Ô fils d'Israël, souvenez-vous de ma grâce, souvenez-vous de ma grâce que j'ai mis sur vous. » Jusqu'à ce qu'il parle ensuite, jusqu'à ce qu'il mentionne, ça c'est le verset 40 dans sourate Al-Baqarah, jusqu'à la parole lorsqu'il parle de Ibrahim alayhi salam, avant qu'il mentionne Ibrahim alayhi salam, le verset 122. Donc du verset 40 au verset 122 dans sourate Al-Baqarah, lorsqu'il répète, il dit Ya Bani Israël, ô fils d'Israël. Pourquoi? Parce que les fils d'Israël sont des gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait donné la science. Ce sont des gens qui ont de la science et pourtant ils n'appliquent pas cette science. Et ils ont dévié dans la science, et ils ont déformé la parole d'Allah, hein, et ainsi de suite. Donc c'est ce qui arrive maintenant chez beaucoup d'entre ceux qui se présentent ou qui essaient de paraître comme étant des ulama et qui sont des gens de bid'a, qui appellent à la bid'a et qui déforment l'essence du Coran et de la Sunna et qui agissent un peu comme les ulama de Bani Israël. Wallahu al-musta'an. Donc le cheikh il explique, il dit, qu'est-ce qui vient augmenter la clarification à ce sujet-là? il y a ce qui a été également clarifié de façon explicite dans la Sunna et il dit cette parole-là, bien entendu, elle est très nombreuse, on la retrouve en grand nombre et d'une grande clarification. Et que même le commun d'entre les musulmans qui est le plus simple d'esprit est capable de comprendre. Puis ensuite il dit, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que par la suite on a compris, ou y a, parmi les choses qui se sont produites par la suite, c'est que on a vu apparaître des choses parmi les plus étranges. La science et le fiqh, c'est devenu les bid'ah et les égarements, et le mieux d'entre ce qu'ils ont, c'est devenu de mélanger la vérité avec le faux. Puis la science que Allah a ordonné de suivre, et qu'il a ordonné à toute la création d'appliquer et de suivre, et la science qu'il a glorifiée, eh bien on ne l'entend pas, excepté dans la bouche d'un hérétique ou d'un fou, selon ce qu'ils pensent eux. C'est-à-dire que pour eux, celui qui appelle à la vraie science, qui est dans le Coran et dans la Sunna, et qui appelle à la compréhension correcte de l'islam, pour eux c'est un fou ou un hérétique. Et ceux qui dénoncent ou qui condamnent, ceux qui appellent à la vraie science, pour eux, et qui mettent en garde contre ceux-là, qui mettent en garde contre ceux qui appellent à la vraie science, et qui écrivent contre eux, et qui leur interdisent ce qu'ils font, pour eux ce sont considérés comme étant les vrais savants. Hein? Donc ils ont inversé et complètement contredit la religion. Ils voient le bien comme étant le mal et le mal comme étant le bien. Ils voient la sunna comme étant une bid'a, ils voient la bid'a comme étant sunna, et ainsi de suite. Ensuite, le point numéro 5, al-aslul khamis. Bayanullah subhanahu wa ta'ala li awliya illah wa tafriqihi baynahum wa baynal mutashabbihina bihim من أعداء الله المنافقين والفجار ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران وهي قوله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وآية في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم أنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. Donc le point numéro 5, c'est au sujet des أولياء. La clarification que Allah subhanahu wa ta'ala a fait au sujet des awliya, c'est-à-dire les gens qui sont pieux et qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les gens rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux que les soufis appellent les saints, ceux que les soufis appellent les saints. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a distingué dans sa révélation entre les vrais awliya, hein, et ceux qui essaient de leur ressembler parmi les ennemis d'Allah, qui sont des munafiqines et des pervers et des pécheurs. Et c'est pour ça, comme par exemple, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Furqan, Bayna Awliya al-Rahman wa Awliya al-Shaytan. Hein, c'est-à-dire le discernement entre les alliés de Ar-Rahman, c'est-à-dire les alliés d'Allah, et les alliés du Shaytan. Hein? Les alliés du Shaytan, parce que beaucoup d'individus parmi les gens qui sont dans l'égarement se prétendent être des awliya, surtout chez les soufis. Hein, chez les Rafida. Ils prétendent être des gens rapprochés d'Allah et des alliés d'Allah. Alors que ce sont des gens qui yani, font toutes sortes de choses qui sont opposées à l'islam. Dans les fondements et dans les applications, parfois ils font du sihr, parfois ils font du shirk, parfois ils font toutes sortes d'autres choses de ce genre qui sont contraires à l'islam dans les fondements de la religion. Puis aussi même ils inventent des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam dans les pratiques religieuses et dans l'adoration et dans le zikr et autres. Donc ils font des choses qui sont des innovations et des bidards. Sans, comme le cheikh il va le mentionner. Donc il y en a aussi qui pensent que pour être un wali, il faut être quelqu'un qui fait des miracles à volonté, qui a des pouvoirs surnaturels, hein, qui est un petit peu comme un super-héros ou bien un surhomme, des choses de ce genre, qui a des pouvoirs de contrôler l'univers ou contrôler la pluie ou des choses comme ça. Et ça c'est mentionné dans les livres des soufis. Donc ça c'est leur aqida parfois au sujet des awliya, ce qu'ils appellent des awliya. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On en a parlé déjà dans plusieurs autres cours, surtout les cours qui s'intitulent la réalité du soufisme. On a parlé de ça là-dedans. Puis on a donné plein d'exemples. Donc le cheikh il dit il est suffisant pour clarifier ça des versets comme le verset dans sourate Al-Imran, verset 31. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, et Allah vous aimera. Hein? C'est-à-dire que si tu veux être aimé par Allah, tu dois suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si, yani, tu ne suis pas l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis tu prétends l'aimer, puis tu prétends être aimé d'Allah, d'être un wali, alors tu mens, tu n'es pas un wali. Hein? La même chose pour qu'est-ce qui clarifie ça aussi, le verset 54 dans Sourate Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ô vous qui avez cru, quiconque d'entre vous délaisse la religion ou bien quitte sa religion, Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir un peuple qui l'aime, c'est-à-dire un peuple qu'Allah aime et qui aime Allah. Et ensuite, il décrit les caractéristiques de ceux-là, hein, il décrit les caractéristiques de ceux qui aiment Allah et que Allah aime. Hein. Il dit ensuite, أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. Ils sont humbles envers les croyants et fiers et puissants envers les mécréants. يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Ils font la lutte et ils combattent dans le sentier d'Allah. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Et ils ne craignent le blâme de personne, hein, dans la religion d'Allah. Quand c'est le temps d'ordonner le bien, d'interdire le mal et de faire ce qu'il faut faire dans la religion d'Allah, ils ne craignent le blâme de personne. Quand c'est le temps de dire la vérité ou ainsi de suite. Ça, c'est les caractéristiques des awliya qu'on ne retrouve pas chez ces gens-là qui se prétendent awliya aujourd'hui parmi les soufiyines et autres. Le cheikh il dit ouais. آية في يونس وهو قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. C'est le verset 62 et 63 dans sourate Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit certes les alliés d'Allah, hein, ils n'auront nulle crainte et ils ne seront pas attristés, ceux qui ont cru et qui ont eu at-taqwa, hein, qui ont eu la piété, qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont fait ce que Allah aime et qui se sont écartés de ce qu'Allah a interdit par crainte d'Allah, hein, par connaissance et par crainte d'Allah et par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et par amour de sa récompense et par crainte de son châtiment et ainsi de suite. Donc ça c'est la réalité de ceux qui sont des awliya d'Allah, c'est ceux qui croient et qui ont la piété, qui ont at-taqwa. Et il dit que cette notion, cette chose-là, le cheikh il dit ثم صار عند أكثر من يدعي العلم أنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. Donc, ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la plupart de ceux qui prétendent la science, et qui prétendent faire partie de ceux qui guident les hommes et qui préservent la religion, ils ont commencé à prétendre ou à croire que les saints, hein, les awliya, il faut absolument que pour qu'ils soient des awliya, il faut absolument qu'ils abandonnent la voie des messagers et qu'ils cessent de suivre les messagers. Ah, ça c'est étonnant ça, de penser que quelqu'un devient un saint ou un wali en sortant de la suivi du prophète ou des prophètes et des messagers d'Allah. Eh bien, pourtant c'est ce que pensent beaucoup d'entre les soufiyins, qui pensent que tu ne peux pas devenir un saint tant que tu n'as pas atteint un degré qui te permet d'abandonner les adorations et les obligations religieuses. Et c'est ce qu'on retrouve chez beaucoup d'entre les imams des soufis qui ont écrit des livres sur le soufisme. Et on voit à leur sujet des choses inimaginables. Ensuite, il dit وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. Donc ils pensent que ceux qui suivent les messagers ne font pas partie des saints, des awliya. Et il faut absolument pour eux qu'ils abandonnent le djihad. Et que celui qui fait le djihad, il ne fait pas partie d'eux. C'est-à-dire, il n'est pas un wali. Donc, ils pensent qu'il faut abandonner le djihad pour être un wali. Il dit, et il faut aussi qu'ils abandonnent la foi et la piété. Et que celui qui reste accroché à la foi et la piété, il ne fait pas partie d'eux. Il n'est pas un wali. Il dit, ô Seigneur, ô notre Seigneur, nous te demandons le pardon et la clémence, et certes tu es celui qui entend l'invocation. Donc ça c'est un exemple de qu'est-ce qu'ils ont au sujet des awliya. Puis le point numéro 6, al-aslu sadis, qui est le dernier point, رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنها فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمه ما بزعمهم فسبحان الله وبحمده كم بين سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا أن في رد هذه الشبهة المنعونة كم بين الله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Donc c'est jusque là que le Cheikh a cité al-usul al-thalatha parmi les écrits du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc le point numéro 6, il explique que c'est la réfutation d'une des shubha, c'est-à-dire une des ambiguïtés que le shaitan a jeté, hein, pour appeler les gens à abandonner le Coran et la Sunna et à suivre à la place les opinions et les passions divergentes et différentes des gens, hein, qui divisent et qui divergent. Et cette shubha, c'est quoi? Cette ambiguïté, c'est quoi? C'est que le Coran et la Sunna, personne ne peut le connaître excepté un mujtahid mutlaq. Et quand tu veux savoir le mujtahid qui a cette caractéristique-là et qui est mutlaq, ils vont te dire que c'est celui qui possède telle ou telle ou telle caractéristique que probablement tu ne pourras même pas retrouver en la personne de Abu Bakr et Omar, par exemple. Tellement ce sont des descriptions et des caractéristiques qui n'existent pas ou qui ne sont pas possibles de posséder. Et si quelqu'un n'est pas comme ça, n'a pas ces caractéristiques-là comme eux ils le prétendent, qui n'est pas mujtahid mutlaq, alors il doit s'en détourner et laisser tomber ça complètement, sans problème. Il ne doit pas du tout se référer au Coran et à la Sunna. Tandis que celui qui cherche la guidance du Coran et de la Sunna directement, et qui retourne au Coran et à la Sunna, c'est soit que c'est un hérétique ou un fou, à cause de la difficulté, selon ce qu'ils prétendent, de les comprendre. C'est-à-dire de comprendre ces deux références-là dans la religion. Donc il dit, donc subhanallah, louange à Allah, pureté à Allah, combien Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans la révélation et des preuves dans la création, hein, dans sa création et dans ses ordres, des choses pour réfuter cette choubha maudite de différentes façons, hein, qui ont atteint le degré ou le niveau des nécessités générales. C'est-à-dire que c'est clarifié d'une façon tellement claire que c'est connu par nécessité. Personne ne peut nier cette chose-là tellement c'est clair dans le Coran. Mais la plupart des gens ne savent pas. Hein, il cite ce verset, hein, dans le surat Yusuf, le verset 21. Ensuite, le cheikh, donc ça c'est la fin de Al-Usul al-Thalatha. Bon, c'est pas la fin, mais il a arrêté ici parce qu'après il y a un verset que le cheikh a cité. Qu'il n'a pas mentionné ici. Puis le cheikh Mohamed Al-Aqil, il dit ensuite: فَهَذِهِ الْأُصُولُ السِّتَّةُ الْعَظِيمَةُ دَلَّتْ عَلَى دِقَّةِ فَهْمِ الْإِمَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَعْرِفَتُهُ لِأَسْبَابِ الْفِتَنِ الْوَاقِعَةِ فِي الْأُمَّةِ فِي زَمَانِهِ ثُمَّ مَعْرِفَتُهُ لِأَسْبَابِ عِلَاجِ هَذِهِ الْفِتَنِ وقيامه بهذا الأمر كما أمر الله ثم نصر الله له تعالى ثم نصر الله له سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة. Donc le cheikh dit donc que ces fondements, ces six fondements, ces six grands fondements indiquent la précision et la subtilité dans la compréhension de cet imam et dans sa connaissance des causes des fitan qui arrivent dans la umma, qui sont arrivées dans la umma à son époque. Puis également sa connaissance des causes et des remèdes de ces fitanes. Et comment il s'est tenu sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment il a essayé de gérer ces problèmes-là selon l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis comment Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la victoire. Hein? Et bien entendu, ça c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est par sa faveur à Allah subhanahu wa ta'ala. فأول سبب من أسباب الفتن التي ذكرها الشيخ رحمه الله انتشار الشرك في الأمة بدعوى تعظيم الصالحين ومحبتهم حتى صرفوا لهم أنواعا من العبادة وعلاج ذلك بدعوة الناس إلى التوحيد وإخلاص العمل لله وإن أغضب ذلك عباد القبور وسندتها فإن رضا الله هو المطلب والغاية. Donc, le cheikh dit que la première des causes, parmi toutes les causes de ces fitan que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a mentionné, c'est la propagation et la présence, hein, la propagation et la présence générale du shirk dans la umma, sous prétexte de vouloir respecter les hommes pieux et de vouloir aimer les hommes pieux. Ça, c'est une des causes des fitanes qui existaient à son époque. Et c'est arrivé à un point tel que ils sont même arrivés à offrir à ces hommes pieux des formes quelconques d'adoration, différentes formes d'adoration. Et le remède de ça, bien entendu, c'était d'inciter les hommes au tawhid et à purifier l'adoration et l'action. Les actions qu'on fait pour Allah seul, même si cela met les adorateurs des tombes et les gens qui s'occupent de ces tombes-là en colère, parce que bien entendu la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le but et l'objectif suprême et non pas de faire plaisir à des créatures, hein, surtout dans des exemples de qu'est-ce qui est shirk ou kufr ou des choses de ce genre. Ensuite, le cheikh dit: ثم ذكر رحمه الله السبب الثاني من أسباب الفتن وهو التفرق في الدين وإحداث شرع لم يأذن به الله أو لم يأذن الله به والتعصب للمذاهب الفقهية وجعلها غاية حتى عاد الناس بعضهم بعضا باسم الدين فصاروا شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أهم أسباب علاج الفتن وهو الاجتماع على شرع الله والعمل به ومن ذلك الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا فإن في ذلك قوة للأمة وسد لأبواب الفتن كما مر معنا فيما مضى. ثم بينا donc ça on va expliquer ça ici. Le cheikh il explique que il a expliqué également comme deuxième cause parmi les causes des fitan la division dans la religion et l'innovation dans la religion d'Allah et dans la révélation dans la législation ce que Allah n'a pas permis hein, parmi les différentes innovations et les bid'a et également le fait de s'accrocher fanatiquement aux différents madhahib de fiqh et de les établir comme si c'était des objectifs à atteindre à un tel point que les gens ont commencé à se détester et à s'opposer les uns les autres au nom de la religion. Et ils sont devenus des sectes et des groupes et des partis, chacun d'entre eux se réjouissant de ce qu'ils possèdent. Puis le cheikh a mentionné ensuite les plus grandes causes de remèdes pour remédier à ces différents problèmes et fitan. Et il a mentionné que c'était de se réunir et de se rassembler sur la révélation d'Allah et sur l'application de ce que Allah a révélé. Et parmi ce qui fait partie de ces points de ce point-là, hein, c'est bien entendu de s'unir sur l'écoute et l'obéissance de ceux qui sont nos dirigeants, ceux qui ont le pouvoir sur nous. Parce que il y a dans ça une force pour la Ummah. Et il y a quelque chose qui ferme la porte aux fitan, comme on l'a mentionné plus tôt. Et subhanallah, il y a des exemples comme ça que vous voyez chez les kuffars aujourd'hui. Hein, quand les kuffars, par exemple, ils sont pas satisfaits de leurs dirigeants, ils veulent essayer de, parce qu'ils veulent avoir quelque chose de leurs dirigeants. Et ils veulent l'obtenir à tout prix. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les opinions de leurs dirigeants. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, il faut faire de la pression sur notre dirigeant pour qu'il accepte notre opinion à tout prix. Donc, ils utilisent des moyens, comme ils appellent, des moyens de pression. Parmi les moyens de pression, il y a quoi? Les manifestations, les grèves. Hein? Et ça, c'est le début, qu'ils utilisent ça au début, pour arriver à leurs objectifs. Et si ils ont réussi à mettre cette pression-là au point où le dirigeant, par la suite, est mal pris, donc il n'a pas le choix d'accepter ça, eh bien, il va dire, bon, d'accord, j'accepte maintenant de m'asseoir avec vous à la table pour négocier. Et donc, il s'assoit avec le dirigeant ou avec les responsables pour faire des négociations. C'est la même chose que dans les syndicats ou des choses de ce genre. Et puis, si le dirigeant refuse, eh bien, là, il passe à une autre étape, c'est-à-dire de passer à la violence, hein, et utiliser des moyens de pression violents, jusqu'à ce qu'ils arrivent à, s'ils le peuvent, faire un coup d'État ou une révolution ou des choses de ce genre. Et ça, c'est pas la méthode de l'islam. Et c'est pas la méthode que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Puisque, si c'est comme ça, qu'à chaque fois que tu n'es pas d'accord avec le dirigeant, tu vas essayer d'utiliser la pression jusqu'à ce que le dirigeant t'obéisse, eh bien, dans ce cas-là, c'est qui le dirigeant? Est-ce que c'est lui ou c'est toi? Hein? Ça, c'est pas raisonnable. C'est comme des enfants qui ont des parents et qui veulent quelque chose de leurs parents. Ils veulent que leurs parents leur achètent un jouet. Hein? Ils veulent que leurs parents leur achètent un jouet. Alors, quand ils commencent à réclamer ce jouet à leurs parents et que les parents refusent, là, ils commencent avec les moyens de pression avec leurs parents. Ils commencent à les supplier, à leur demander. Là, ils commencent à pleurer, ils commencent à crier, hein? Et ils commencent à faire des crises ou à faire des scandales, hein? Devant les gens, même parfois dans les magasins ou des choses comme ça, pour demander ce qu'ils veulent. Jusqu'à ce que les parents vont accepter. Hein? Donc ça, c'est un exemple, la façon dont ces gens-là agissent. Et quand on observe parfois, justement, je réfléchissais à ça l'autre jour, je me dis, subhanallah, on dirait que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un signe. Parce que on observe actuellement que il y a beaucoup de gens qui ont la maladie du cancer. Beaucoup de gens qui ont la maladie du cancer. Et c'est comme si on dirait en même temps, subhanallah, c'est un signe pour nous faire réfléchir. Parce que c'est quoi le cancer? Le cancer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le cancer, c'est comme une sorte de crabe, hein? Un écrevisse là, ou quelque chose avec des pinces. Parce qu'ils ont vu les signes zodiaques, là, dans les trucs de signes zodiaques, un petit dessin avec des pinces. Ils pensent que le cancer, c'est une maladie comme ça qui mange le corps. Non, le cancer, c'est pas ça. Le cancer, c'est, en fait, c'est le propre corps. C'est ton propre corps, en particulier, c'est une cellule dans ton corps qui se rebelle d'une certaine façon, qui veut faire sa propre évolution. C'est-à-dire que cette cellule-là, elle ne veut pas respecter les règles que les autres cellules respectent. Donc, elle, au lieu de s'arrêter de grandir, s'arrêter à l'espace qu'elle a, non, elle veut plus. Elle veut commencer à grossir plus et à prendre plus de place. Hein? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à se multiplier, et elle répond plus aux signaux qui lui ordonnent de s'arrêter de croître. Donc, la cellule, elle grossit, jusqu'à ce qu'elle commence à être instable. Elle commence à... Hein, elle grossit, donc elle a besoin de plus d'énergie, plus de nutriments. Donc, elle commence à envoyer des signaux pour qu'on l'irrigue avec plus de nutriments, plus de sang, plus d'énergie. Et là, elle commence à craquer. Et là, quand elle devient trop grosse, elle envoie d'autres parties d'elle-même aller à différents endroits dans le corps pour créer des cancers à d'autres endroits dans le corps humain. Eh bien, c'est comme en réalité, comme si ton corps, il se rebelle contre toi-même, contre ton organisme. Eh bien, en réalité, c'est comme si c'était une punition pour ces gens-là. Parce que dans la société des koufars, c'est ça qui se passe maintenant. Les hommes et les femmes, il n'y a plus d'harmonie parce que la femme ne veut pas respecter les règles que Allah a établies dans la famille. Que l'homme c'est le chef, la femme doit l'écouter. Les enfants ne veulent plus écouter à leurs parents parce qu'ils ne veulent plus respecter le respect que Allah a établi qu'il doit y avoir entre les enfants et leurs parents. Il n'y a plus de respect dans la société de façon générale entre le peuple et les dirigeants. Et personne ne veut rester à sa place. Tout le monde veut être à la place de l'autre. Tout le monde envie la place de l'autre. Et donc, à cause de ça, quand personne veut rester à sa propre place, et tout le monde veut essayer d'être l'autre, et tout le monde veut être celui qui a la décision et l'autorité, il n'y a rien qui peut fonctionner comme ça. Il n'y a rien qui marche comme ça. Et ça, c'est la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ces gens-là. Et c'est ça ce qui se passe. Maintenant, comme le cheikh il le dit ici, eh bien, le fait de, parmi les choses qui viennent résoudre ce problème-là, c'est de se réunir sur l'écoute et l'obéissance de notre dirigeant. Le cheikh, il dit, parce que c'est là qu'il y a la force pour la Ummah. Et c'est ça qui vient fermer les portes des fitanes, des tribulations et des épreuves et des problèmes, comme on l'a expliqué. Ensuite, il dit, ثُمَّ بَيَّنَا رَحِمَهُ اللَّهُ وُجُوبَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْعُلَمَاءَ الرَّبَّانِيِّينَ الَّذِينَ يُصْلِحُ اللَّهُ بِهِمُ الْأُمَّةِ وَالْمُدَّعِينَ لِلْعِلْمَ الَّذِينَ حَذَّرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ مَعْرِفَةَ ذَلِكَ أَمْرٌ مُهِمٌّ فَإِنَّ الْأُمَّةَ لا تسلم من الفتن إلا إذا سلمت من علماء السوء وأخذت دينها عن العلماء الربانيين وهم أولياء الله الصالحين والمتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم الذين يبنون دينهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا على البدع الحادثة والآراء الضالة وذلك ولذلك لما قام الإمام محمد بن عبد الوهاب بدعوته كان أول من عاداه علماء السوء المبتدعة فكان لا بد من بيان حالهم للناس وأن ادعاءهم للعلم لا يدل على علمهم وأن شهرتهم بالعلم عند العامة لا تكفي في إثبات علمهم وصلاح دعوتهم وأن الأمة بحاجة ماسة إلى علماء صادقين متبعين عاملين بالكتاب والسنة وهكذا عرف الإمام رحمه الله أسباب الفتن وفقه الله عز وجل لأسباب العلاج فنجحت دعوته وسد الله بها باب الفتن وجدد الله به دينه وجمع أمته وقامت دولة الإسلام في الجزيرة العربية ولله الحمد والمنة. Donc le cheikh il dit que ensuite le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a expliqué l'obligation de distinguer entre les ulama al-rabbaniyin, les ulama éducateurs par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala réforme la Ummah, et ceux qui prétendent posséder la science, parmi ceux au sujet desquels Allah a mis en garde, ainsi que son messager a mis en garde à leur sujet aussi, parmi ceux qui prétendent posséder la science. Et que de connaître cette distinction, c'est une chose importante, et que la Ummah ne peut pas être épargnée des fitan, excepté si elle est épargnée des faux savants, des savants mauvais, et qu'elle a pris, et elle ne peut être épargnée non plus de ces fitanes, sauf si elle a pris sa religion de la part des ulama éducateurs, et ce sont eux qui sont en réalité les saints ou les rapprochés d'Allah, les hommes pieux, ce sont eux les vrais. Ceux qui suivent l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui clarifient la religion d'Allah selon le Coran et selon la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et non pas selon les innovations inventées par les gens ou selon les opinions d'égarement. Et c'est pour cette raison-là que lorsque l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a commencé dans sa da'wah au tout début, les premiers qui lui ont donné une opposition, c'était les ulama mauvais qui font partie des gens de bid'ah, les mubtadi'ah. Alors, il fallait absolument clarifier l'état des gens et leur faire comprendre que ce qu'ils prétendent au sujet de la science n'est pas une preuve de leur science et que leur popularité, du fait qu'ils ont une popularité, ils sont connus comme étant des gens, ils ont cette notoriété d'être des gens de science auprès des gens du commun, que ça c'est pas suffisant pour affirmer qu'ils ont réellement la science et que leur da'wa est correcte et bonne. C'est pas juste parce que les gens te reconnaissent comme étant quelqu'un qui a du ilm ou qui est un savant, que ça veut dire que tu es correct et que ta science est correcte et que tu es un savant réellement. hein, comme aujourd'hui, parmi les gens du commun, il y a beaucoup de gens, ok, qui pensent que toute personne qui parle de l'islam à la télévision, qui apparaît sur les chaînes satellites, que c'est un savant. Hein? Et beaucoup d'entre ceux-là, c'est des gens, parfois c'est des hizbiyin, parfois c'est des takfiriyin, parfois c'est des khawarij, parfois c'est des gens de bid'a. Hein? Et ils parlent à la télévision, ils disent des choses sur l'islam, les gens pensent que c'est des savants. Alors qu'en réalité, ce ne sont pas des savants, ce sont des gens de bid'a et des égarés. Et les gens, ils ne peuvent pas faire la distinction. Hein, pourquoi? Parce qu'ils sont des gens du commun. Ceux qui connaissent la différence entre les gens de bid'a et les savants, les vrais savants, ce sont les hommes de science. Hein, et ceux qui ont pris leur religion des sources du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des salaf al-salih, ceux-là sont capables de savoir. Le cheikh, il dit ensuite, وَأَنَّ الْأُمَّةِ ناجحة وأن الأمة بحاجة ماسة. Donc que la umma, ensuite le cheikh il explique que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab il a fait comprendre que la umma a besoin, un grand besoin de savants qui sont sincères et qui suivent avec sincérité et véracité et qui agissent selon le Coran et la Sunna. Et c'est ainsi donc que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a fait connaître les causes des fitanes, hein, et qu'Allah lui a donné le tawfiq, le succès dans les causes pour amener les remèdes à ces différentes fitanes. Et dans sa da'wah il a eu les résultats positifs et il a réussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que il puisse fermer les portes des différentes fitanes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait justement que la religion soit réformée par lui et par sa da'wah. Et que la religion soit revivifiée et rénovée, ramenée dans à sa pureté. Et il a réuni sa umma, hein, par cette da'wah et il a établi même un état dans la péninsule arabe qui est établi sur cette da'wah salafia, hein, et c'est à Allah qu'appartient la louange et la faveur à ce sujet-là. Walillahil hamd. Donc on vient de conclure cette deuxième partie, hein, cette dernière partie, c'est-à-dire la deuxième exemple parmi les exemples des positions des salafs au sujet de leur façon d'approcher et de gérer les différentes fitanes, qui était la deuxième partie de ce deuxième chapitre, et il reste maintenant la dernière partie de ce deuxième chapitre qui est أثر هذه المواقف على الفرد والأمة, c'est-à-dire les conséquences ou les effets. Ça c'est le troisième point dans cette deuxième partie, c'est la dernière. Et ce sera pas trop long, Inch'Allah. Ça va prendre, peut-être pour le finir, peut-être trois cours, Inch'Allah. C'est les effets de ces différentes positions des salafs, les effets que ces positions des salafs ont eu sur les individus et sur la umma en général. Donc on va, c'est comme s'il fait un survol de tout ce qu'on a vu de façon résumée, puis il explique certains points aussi, clarifie certaines choses à ce sujet-là. Donc on va lire ça dans les cours, les prochains cours, Inch'Allah. Puis lorsqu'on aura terminé ça, bien on commencera la troisième partie du livre qui traite des positions qui sont en opposition avec le manhaj des salafs face aux fitan et les effets de ces contradictions et de ces oppositions sur les individus et sur la umma, et l'explication des racines historiques, des origines historiques de ces différentes contradictions. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera bi'iznillah au prochain cours, inshallah. Et,